Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à ce 41e épisode du désormais très célèbre No Form Grooves Eclectic Show présenté par Dr Pili Pili, moi-même, le fils de Bizet de France. Mon cher Pili, comment vas-tu? Cool. Cool, très bien. Ouais. Petite forme. Ouais. Oh, bah écoute, y a pas de problème, mec. Hein. On va faire ça, y a pas de souci. Donc premier lundi du mois comme d'habitude, hein, vous savez que c'est un spécial Congo de la part des ambianceurs. Donc le moment pour nous pour essayer de faire la lumière sur des petites perles des deux Congo, donc de Kinshasa et de Brazzaville. Et quelques classiques aussi effectivement. Et là donc en introduction là on avait un petit chant religieux de la chorale Tangani Tanga. Donc l'album. Exactement, donc l'album Kalu Wudiko, qui est sorti donc en 1985. Exact. Donc Menasiami Kwani, voilà, de Monseigneur Batantu. Bueno, alors maintenant qu'on a posé un petit peu le décor, on va partir tout de suite en musique. On va rester sur Brazzaville. On va rester sur Brazzaville, disais-je. Bien sûr qu'on va traverser le fleuve, mais un peu chauvin, quelque part, oui, je suis obligé de prêcher pour ma paroisse, mec. Je suis obligé. Là, donc, on va se faire un petit African Kings Pili Pili. C'est un groupe éphémère qui justement, donc, réunissait plusieurs artistes de groupes différents qui se sont dit, bon, allez, on va essayer de sortir quelques disques, justement, pour marquer le coup. Donc, dans ce groupe... On retrouve Pambu Chikaya, donc Chico Chikaya. On retrouve Daniel Tsatsi, Denis Louba sous la cloche, hein, qui a gravité un petit peu à un moment avec le Key Jazz, qui a gravité avec les Bantous de la capitale. Donc voilà, donc là en 76 on le retrouve avec le groupe African Kings, Pili Pili. Et la track qu'on va s'écouter, c'est justement une track qui est écrite par Denis Louba sous la cloche, Abus de confiance. C'est parti. Thank you.

sikoyo Zaire komi mabele mabiso ona sese sese ko ukumwenu azabaka sese ko ukumwenu azabaka sese ko ukumwenu azabaka mwenu azabaka disait justement que ce morceau mélangé avec brio des influences traditionnelles et une musique un peu plus moderne. On écoute à présent l'orchestre CAM tout de suite sur No Form Groove Eclectic. En attendant que le DJ se prépare. Chauffeur. Thank you. Oh mama, molimo e bebinga na bandanda. Oh Oh mama, nako tuna kayo na bato mama. Oh mama, pase kondi singa inzoto. Sangona yo si yo si ya yo ya si kae Bobi makana epoka nyoso zae Uto sombelie voiture sala katatina se fre O sala kasambra ya kosilika bonga na baye tumba na tikae Okosa okosa ngalelo na mwani na fungoli miso Tumba tumba na lembi bwale ya boligo Bisa nyaso banda na lembi bombanda e Tumba tumba na lembi bwale ya boligo Bisa nyaso banda na lembi bombanda e Oh mais non, la bonne les bambas. Kolika yo lelo yo poza nina no mobesu Hey Bokoli, omena kredusa, Bokuka Ikuzalele, ikuzalele, ikuzalele, ikuzalele, ikuzalele, ikuzalele, ikuzalele, ikuzalele, ikuzalele, ikuzalele, ikuzalele, ikuzalele, ikuzalele, ikuzalele, ikuzalele, ikuzalele, ikuzalele, ikuzalele, ikuzalele, ikuzalele, ikuzalele, ikuzalele, ikuzalele, ikuzalele, ikuzalele, ikuzalele, ikuzalele, ikuzalele, ikuzalele, ikuzalele, ikuzalele, ikuzalele, ikuzalele, ikuzalele, ikuzalele, ikuzalele, ikuzalele, ikuzalele, ikuzalele, ikuzalele, ikuzalele, ikuzalele, ikuzalele, ikuzalele, ikuzalele, ikuzalele, ikuzalele, ikuzalele, ikuzalele, ikuzalele, ikuzalele, ikuzalele, ikuzalele, ikuzalele, sa profetere vata ikuzolele bale vata mobasa profetere vata ikuzolele bale ikuzolele bale Magnifique morceau de l'orchestre Bella Bella, un morceau avec des guitares qui sont sublimes, qui tintinabulent, j'aime bien placer ce mot-là, tintinabuler. C'est un peu Noël après l'heure ou Noël avant l'heure, selon. Voilà, avec des voix aussi sublimes. Et on enchaîne avec un Bella Bella, je crois. Donc, deux Bella Bella au prix d'un. Exactement, mon pote. Mais avant donc de placer le petit morceau, on va juste faire un petit point tracklist. Quand bien même, de toute manière, chers auditeurs, vous savez que de toute façon, vous retrouvez la tracklist soit sur notre page Facebook ou soit sur le blog du label. Je trouve qu'il est quand même important de faire un petit point tracklist. Donc en premier, donc on avait le son de la chorale Tanganyitanga, Menasiani Kwani. Ensuite, Abus de confiance de l'orchestre African Kings, Pili Pili. Ensuite, CCCO du groupe Minzoto Yazaïr. Ensuite, on avait Mbale, la deuxième partie de l'orchestre Kiam. Lukani, partie 1 de l'orchestre VV. Mbondo de l'orchestre Lipwa Lipwa. Bondoki Naboyi des Bantous de la capitale. Et Nzoto Elembi numéro 2 de l'orchestre Bella Bella. Et là, on va s'écouter la partie 1 de Bienvenue Doudou, toujours de l'orchestre Bella Bella. Spécial Congo, toujours sur les deux rives du Congo. Congo Kinshasa, Congo Brazzaville. Exactement. Pour un petit voyage musical qui continue. Qui continue. Là même, on pourra nous taxer un petit peu d'être pro-VV parce que Kiam, VV, Lipwa Lipwa, ensuite deux fois Bella Bella, ben voilà quoi, ça fait beaucoup quand même, hein. Une écurie qui a produit de nombreux groupes qui sont restés dans l'histoire de la musique congolaise. Donc des incontournables, comme le disait mon cher ami, le fils de Bizet France. Exact. Allez, on repart tout de suite donc avec cette première partie de la super track Bienvenue Doudou de l'orchestre Bella Bella. No Form Grooves, éclectique, musique. Qu'est-ce qu'on dit à Doudou ? On lui dit bienvenue. Et voilà. No Form Grooves, éclectique, musique incendiaire pour mélomane, pyromane. Oka. Savez-vous ce qu'il y a de forêts sans pied? demoiselle. Eh, bella, bella. Deux fois un. Deux fois un soquier. Eh, demoiselle. Eh, bella, bella. Oh, monango. Deux fois un soquier. Wapi wasalao. Eh, bella, bella. Benga yeye. Deux fois un soquier. Wapi sango, masaba. Eh, bella, bella. Oh, monango. Longo koboye, ebele bele. Oh manango munyoka, wapi salayo, ebele bele. Oh masaba, demoiselle, ebele bele. Le calcul mental doudou, le calcul mental doudou. Faites un peu le calcul mental, faites un peu le calcul mental doudou. Ebele bele. Égal combien doudou, égal combien? Deux fois un soquier. Oh banango. Ebele bele. Le calcul mental doudou. Deux fois un soquier. Chantez tous ensemble. Ebele bele. Tous ensemble doudou. Deux fois un soquier. Ebele bele. Deux fois un soquier. Soki na kanisiri Olingo na gaya kala Abeka metete Bakanisi malekiga Awa roji kangana bawa Oteti ozanga semote mbareha Mikolo nyoso mama Bogi pena zuatere Asana bolingo inzali toka boye Elangina yo, elakanga na ndoto Soki na bandi boye, maima miso, mabandi sengo leka Nako kate teti, kovanda penga imoko Nokite, nako kena mimoma Zanga se mote mbareha Mikolo nyoso mama Pongi pena zuatere Asana bolingo inzali toka boye Elongi na yo Ela kangana ndoto Soki na bandi boye Maifla miso mabandi seko leka Nako kate teti Kovanda penga imoko Sona como no mama E bogi pe ozonga no kite na miboma O teti Teti amoligo yo ke la ganiye Na pasona como no mama E bogi pe ozonga no kite na miboma O teti

kasubulio soda sala yo tepe saba oka selio mina lo kolangai Retour en direct après ce magnifique allégré de l'orchestre Hydro Congo. Donc voilà, donc la compagnie qui exploitait à une époque le pétrole donc, au Congo, Hydro Congo, avait réuni une poignée de musiciens et puis bah, dans les années 80 ils ont sorti un album voilà, qui s'appelle justement l'orchestre Hydro Musique. Et qui représente un peu tout ce qu'on aime, nous, dans la musique congolaise, c'est-à-dire de tout à fait. Grands ensembles avec des cuivres, avec une multitude de musiciens. Donc la musique congolaise des grands orchestres. Exactement. Et exactement. Juste avant, on avait l'orchestre Sinza. C'est ça. Et comme on disait hors antenne, je crois que l'orchestre a remporté à Tunis en 73 lors du festival panafricain de la jeunesse, un concours devant Taboulé Rochereau. Voilà. Donc ils ont coiffé au poteau Taboulé Rochereau. Donc un orchestre aussi assez qui s'inspire un peu de musique folk assez traditionnelle et voilà qui déploie des textures rythmiques assez complexes. Donc tout ce qu'on aime aussi dans la musique congolaise. Exact. Puis pour les plus assidus d'entre vous. L'orchestre Sinza, il me semble qu'on a déjà passé une ou deux tracks, donc peut-être même qu'on l'a déjà passé celle-là. Pas sûr. Je crois justement que c'est l'autre face que j'avais passée initialement. Enfin, bref. De toute manière, vous savez très bien que tout est réécoutable sur notre Mixcloud. Et pour la prochaine chanson, justement, où est-ce que tu nous emmènes là, Pili? Au Congo, toujours. Sans blague. C'était la devinette du jour. Est-ce que tu vas reconnaître ce qui passe? Je pense que tu as déjà gagné. Donc ma devinette tombe à l'eau. On va écouter tout de suite un groupe dont on va vous reparler plus tard. Pas de problème. Et j'en profite pour passer un petit message personnel donc, à ma fille Janelle, ma petite chérie. C'est l'heure, c'est bientôt l'heure d'aller faire dodo. Donc tu vas écouter cette chanson bien attentivement. Je te fais de gros bisous, tu vas être sage avec maman et tu vas aller dormir. Allez, bonne nuit ma puce. On est parti avec l'Empire Bakuba. Kiko salamaso tolingi Pasi, pasi ya mokili Eko sila kate, kika ngalambe Pinzuli eko leka Naise ko kanisa Bapasi nangawa na klinik njameo Lisumu nini ngana sala Makamba nini ye ngana sala yo mogo Bona nyo kamba na bapasi goyo ya se Nanyo kwa maengo ya mpanyo Nyo kwa mae, nyo kwa mae, oh baba. Oh Calvin, come here, Rosie. Nyo kwa mae, yo yo yo. Nyo kwa mae, oh mama. Panyanga mwana moto na leligi yoro motema ye okili elingi se ozu akandame sokio zangi makomine koseka yo sokio zangi makomine koseka yo motema ye ye ye ye ye na sala nini pona zua mama Nasalalini ponazwa mochebi Nasalalini ponazwa edambote angai ampanya mwana moto Lalali motema ye ye ye Mokili eliki selozwa katame Sokio zangi makomine koseka yo Sokio zangi makomine koseka yo Ye ye ye ye Yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah. nonga na moni na moni pasi ya kozela na nzela aebi mioso lisasa o balinga kaka batambwisa sango ya baninga tomonaki ye azalaki kozela na pwe lobisango eke awa toboya sengeleo lelonga na moni pasi ya kozela na nzela aebi nyonso kisasa o balinga kaka batambwisa sango ya baninga tomonaki ye azalaki kozela na kwe lobisango eke makambo ya baninga omoni moninga kanga na yo monoko songisongi ezali mabeo omoni ngai kuna okei koyebisa okoza nini na kati yanga na sheri yanga na ye ekota banganga ata boyebisa nyonso panga thank you. De retour en direct. Alors attendez, on va essayer de mettre un petit peu de musique quand même pour avoir un petit fond sonore sympa. Voilà, ça c'est pas mal ça. Hop là, donc là on vient de s'écouter une pépite dénichée par notre cher docteur Pilipili. Donc c'est la partie 2 de Memi, l'orchestre Kiam. Donc c'est un morceau qui était composé par Kanza Bayone et pour la date hein, c'est pas exact, mais en tout cas c'est le 74 60. Ouais, ouais. Cette réédition donc de chez African en tout cas est datée de 75, donc ouais, comme tu dis, ça peut être quelque chose comme 74 après pour la. Et on a pu entendre un Sébéné à la guitare sublime, donc la guitare bien mise en avant, qui joue un riff lancinant soutenu discrètement par la basse et par la batterie, qui fait un joli petit travail, juste ce qu'il faut. Ouais. L'orchestre Kiam, de toute manière, comme on vous disait avant, tout ce qui sort des écuries VV, il y a vraiment un groove comme ça que les musiciens, enfin que VV s'est justement évertué à combiner avec de la rumba congolaise, et c'est ce qui donne justement ce son résolument funky quoi. Enfin. Voilà, donc c'est un hommage en plus à Verkis, qui s'appelait Verkis Kiamvangwana, ça fait erreur. Ouais, un truc. Et donc les jeunes musiciens qu'il a recrutés ont donc pas tourné autour du pot pour trouver un nom de groupe. Ils ont rendu hommage à cet homme qui a découvert beaucoup de talent. Et donc c'est Verkis Kiamvangwana, je crois. Quelque chose comme ça. On rectifiera de toute façon, enfin on mettra le nom complet de toute manière au niveau de la tracklist. Donc on va rapidement faire un point tracklist. Donc après Allegri de l'orchestre Hydro Congo, nous avons mis Awasekele Zalité de l'orchestre Vox Africa de Bobenga. Et donc ensuite donc cette partie 2 de Memi de l'orchestre Kiam. Et là on retourne de l'autre côté du fleuve Congo pour se retrouver à Brazzaville, donc avec le trio Sepakos, qui est sorti de l'orchestre des Bantous, donc ce trio, donc Sepakos c'est pour Célestin Kouka, Pa pour Pamelo Munka et Kos pour Cosmos Mutuari. Donc qui s'est émancipé le temps de deux albums et d'une dizaine de 45 tours, justement pour essayer d'évoluer dans des sphères dans lesquelles la bulle des Bantous de la capitale ne leur permettait pas d'évoluer justement. Donc ça a été une musique tantôt festive, tantôt très tribale, et justement sur laquelle Pamelo et Cosmos Mutuari pouvaient donner libre cours à la virtuosité pardon, de leur voix. Là, on va s'écouter le morceau Premier Vin. Voilà. On est en quelle année, à peu près ? Je ne saurais pas te dire avec précision, malheureusement, parce que j'ai ça sur un 45 tours, donc Soneca. C'est pas grave, de toute façon, les auditeurs s'en foutent un peu. Mais écoute, si on a un ou deux geeks qui est là, qui est pondu à nos lèvres pour justement chaque information, pour retrouver après pour sa discothèque personnelle tous les sons, c'est bien si justement on arrive à étancher cette soif de connaissances. Donc avec précision, je pourrais pas dire, mais en tout cas, ça doit être aux alentours de 75-76, donc 75-76 pour les Français qui nous suivent. Voilà, on s'écoute Premier Vin du trio Sepakos et de l'orchestre Le Peuple. Oka. Etikali tango mokeo, yase na kopesa masanga na baboti bayo. Na kopesa yo mwatoli, banana no kimia bosana banzela ya kalawo. Na komi makolo makalisi mabongwani, na kobeta tolo babokilo bandi mangai. Lopete ya fiancé yo na mosepi, puissance na ngaya bolingo na tiyo motema. Ok, bonjour Belinda, anga na yo mama, mokolo wana sima kwela. Na kona kisa omiso ya bato, tenga na lingi yo mingi, Belinda moseka. Ok, bonjour Belinda, anga na yo mama, mokolo wana sima kwela. Tango mokeo, fiancé na kopesa masanga na baboti bayo. Na kopesa yo mwatoli, banana no kimia bosana banzela ya kalawo. Na komi mokolo makanisi mabongwani, na kobeta tolo babokilo bandi mangai. Lopete ya fiancé yo na mosapi, puissance na ngaya bolingo na tiyo motema. Ok, bonjour Belinda, anga na yo mama, mokolo wana sima kwela. Na kola kisa omiso ya bato, tenga ina lingi yo mingi, Belinda moseka. Ok, bonjour Belinda, anga na yo mama, mokolo wana sima kwela. Tata na Yesu Josefu, mama na ye Maria, na libenisia spiritu, babota Yesu, zambe apona, Maria na Josefu, libala ya basantu, epona mana zambe, yanga imotema molingio, ngai wayo makwela sukaliwa. Bandalelo na komi bongisa, premier vin na kopesa. Imano bi mariage na ndako ya Nzambe, si jamais na kobika, si jamais na kobika. Mama na piska to bongisa, bandalelo na komi bongisa. Premier vin na kopesa, si malobi mariage na nabwanza fi, si zame na kopika, si zame na kopika. Musique nangalelo na komi bongisa Tokie pe na kopesa Imano bi mariage na la kwanza Nisame na kopika Nisame na kopika Nisame na kopika Chérie Loutaé, Gaïda Santi Bonigo, Mama, Nakanye yon enfantane yambandaye. Gaïda Sénéke, Loutaé, Kosinga, Kosinga, Loutaé, Nalo Male Montemaye. Chérie Loutaé, Chérie Loutaé. La paya ta pesara ki mama o bosani mama ta kufa na kufa ni kitanga ya pokwa mama babe kisa kinga na maya kitali nana kere mula le manda bona kokanisa lutae lutae Sangai sangai na kokite obolingo yakai tabanda na ngi yonani banai sangai sangai na kokite na mokufa na mai makoto kono bana bolingo lutae lutae lutae kizambai Remember, come on! président en républicain. un peu. Vous pouvez sauter alors pour le moment. Est-ce que les amis de Brazzaville, vous m'entendez? Est-ce que Toubi, vous m'entendez? Alors, je vous remercie. Maintenant, nous sommes à Kinshasa. Est-ce que les amis de Kinshasa, vous êtes fatigués? Y cambio ya no es nga yo mafae mabati kuyaka kobiki sanga inalinga kayo mingi kasi oye bakate ezala kansoni mingi mwasi abanda mobali Akangi pe mapona lobate bolingo etonira motema esopani lokola fulu ya masanga ebimi na molangi mama nga na weo nga na weo makte nga na weo nga na weo Kasi pasi koswa na motema e Na soki na motema Toto mobi mae konyo kwa Mama manga na wego Nga na wego Makfe, makfe, makfe, makfe Nga na wego 1-2-1-2, voilà, donc c'était le grand Taboulé Rochereau, la voix de velours, une des plus grandes voix de la musique congolaise, le Nat King Cole congolais. Au moins. Donc on ne pouvait faire une émission sur la rumba congolaise sans Taboulé Rochereau. On a fait quand même une émission de rumba congolaise sans Franco, à moins que le fils de Bizet de France nous prépare un petit Franco, mais non, là je prépare l'orchestre Kobantu, mais j'ai pas de Franco dans la besace aujourd'hui, malheureusement. Et je crois qu'on a suffisamment passé des titres de Franco dans cette émission, il me semble, hein. Donc tout de suite on écoute l'orchestre Kobantu de Dewayon, et la track c'est Makwame Rocky. Nalinga kaya mingi o mama, sheri nanga ya mboka o shosho. Kiti sase motema, mama na sofia dae. Mabala ya kisasa ya kofakate, atako sheri tobo ya niye, ulilate. Lopi toko zonga nati. Thank you. Soki yaya talaka likambo nakamwe takina e opesa kamwana toli pola e obenda kae matoi otikali la sima obatela mwana zaire lingi mwasi mobali na mosala okole kisatango na makuta ya kosenga balanga yo koluka obea kimbundi. O mwana soki yaya talaka likambo nakamwe. Oh, koma tok tok na mabiro. Saka mwana toli fola e omenda kae matoi otikali la sima obatela mwana zaire lingi mwasi mobali na mosala okole kisatango na makuta ya kosenga malanga yo koluka obea kimbundi o mwana soki yaya talaka likambo nakamwe. Oh, ele tikani. Thank you. lele, eh, lele, eh, lele, eh, lele, eh, lele, eh, lele. Eh mama na lingi kimbunye, s'il vous plaît. Eh mama na lingi kimbunye, chérie. Mama na lingi kimunye, o mama na lingi kimunye, o sakosa o. E mama na lingi kimunye, o kadiama. E mama na lingi kimunye, zetambongo. E mama na lingi kimunye, ke George. E mama na lingi kimunye, metame. E mama na lingi kimunye, soje tu. E mama na lingi kimunye, metame. Mama na lingi kimunye, hey, kake. E mama na lingi kimunye, shitoma. E mama na lingi kimunye, kubleve. E mama na lingi kimunye, ilongi ya mobutwe. E mama na lingi kimunye, geli geli. E mama na lingi kimunye. Voilà, voilà, c'est ainsi que se termine cette 250e émission. Non, pas encore, mec, pas encore, doucement, doucement. 41e. Et une émission de plus qui concerne la rumba congolaise et ses dérivés. Exact. Avec un immense plaisir, en tout cas pour nous. J'espère que le plaisir fut partagé par les auditeurs. On se retrouve en début de mois, du mois de... Mars. Pour un prochain spécial Congo. Ou peut-être un spécial Afro, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? On va voir. On verra. En tout cas, donc on se retrouve pour sûr la semaine prochaine pour le 42e épisode du désormais trop célèbre No Form Grooves Eclectic. On sera en compagnie la semaine prochaine de Mr. Duden, hein, comme on vous l'a présenté il y a deux semaines, qui est donc notre. Qui va donc être le troisième larron du No Form Grooves Eclectic. À qui je cède la place avec grand plaisir. Ah, il est bien content d'être avec nous pour les émissions, il me semble. Le doudou. Et puis une spéciale reggae, sauf erreur. Effectivement, le 19 février, nous recevons Maga du Maga Show. Hein, donc. Qui est l'émission qui a fait scission d'avec le CYM que vous retrouvez toutes les deux semaines. En théorie, il devrait être là ce soir, mais petit empêchement, on va dire. Donc on va présenter l'artiste et son travail, hein, parce que faire quand même une centaine d'émissions comme ça dédiées au reggae, ben c'est pas rien. Donc, on va essayer de parler de tout ça dans la joie. Dans la bonne humeur, et puis il va nous emporter sur la vague du rocksteady, du reggae, exactement, du ska peut-être. Exactement, on va voyager donc des rives du Rhône jusqu'aux plages de Kingston avec Maga et bien sûr Dr Pili Pili, son fidèle alcoolite de toujours, moi-même, votre serviteur, le fils de Bizet de France, a.k.a. Petit Bizet. En attendant à tous, on vous souhaite une très très bonne semaine et restez quoi ? Restez connectés toujours sur radioisine.net, hein, les gens, faut surtout pas nous lâcher. On essaie de vous proposer une alternative un petit peu au misérabilisme musical ambiant. Voilà. Il me semble qu'on y arrive plutôt pas mal, donc restez connectés. Si vous n'aimez pas la radio, écoutez radiousine.ch. Exactement. Allez, sur ce, passez une excellente fin de soirée, une excellente semaine. On se retrouve lundi prochain. Prenez soin de vous. À plus tard.